L'heure des reproches. Un repas entre amis. Votre ami se plaint de son mari. Naturellement, votre mari rit dans sa moustache, lui qui a les mêmes défauts. Répondez à votre ami en haussant bien la voix pour que tout le monde entende. « Moi, Hervé, je n'ai rien à lui reprocher. Il m'aide au ménage, passe l'aspirateur, essuie la vaisselle, sort les poubelles, ne laisse jamais traîner ses affaires. Mieux, il pense encore au bouquet de fleurs toutes les semaines, ne rate jamais mon anniversaire. Et il reçoit même ma mère un dimanche sur trois, avec la meilleure humeur qu'il soit. Tu as vu ma bague ?»« Bien sûr, c'est vous qui vous l'êtes offerte, la bague. » »« Oups, il n'avait pas vu. » Le jour de la Saint-Valentin. Faites-vous livrer un superbe bouquet de roses rouges avec une carte de visite qui vous dit « Je t'aime ». Le bouquet trônera fièrement sur la table de la salle à manger. Quand il rentre du boulot les mains vides, comme d'habitude, jetez-vous à son cou avec mille merci et mille baisers, après avoir préparé son petit plat préféré, bien entendu. Vous aussi, vous lui avez fait un cadeau. Vous déposerez dans son assiette deux billets pour le prochain match de foot, en lui annonçant que vous êtes ravi de partager enfin sa passion. Il vous trompe. Ne vous épanchez pas en larmes et en cris. Ce soir, servez-lui un jambon salade. Demain soir, enlevez le jambon, servez-lui salade fromage blanc. Après-demain soir, servez-lui un fromage blanc et une tisane amaigrissante. Et ainsi de suite. Il finira par s'insurger. Dites-lui, « Mais mon chéri, si tu continues à grossir à vue d'œil, elle ne voudra plus de toi. » Vous n'êtes plus sa femme, vous êtes devenue sa mère. Il faut lui préparer son repas, sa tenue pour aller travailler demain, appeler sa mère, laver, repasser, ranger ses affaires, remplir sa déclaration d'impôt, retrouver ses clés. Bref, vous passez votre temps à le materner. Pour son petit 4 heures aujourd'hui, servez-lui un biberon. C'est une nourriture plus adaptée à ton âge, mon chéri. Il fume trop, il boit trop. Pour son prochain anniversaire, dans le joli emballage cadeau, il y aura une boîte de Morora avec un petit mot d'explication. « Mon amour, ce petit cadeau t'aidera à te suicider plus vite. Je t'aime tellement que je ne supporterai pas de te voir agoniser à petit feu. Je prends donc mon courage à deux mains pour mettre fin à tes souffrances. » Bref, vous aurez compris, mesdames. Jamais un reproche direct à votre époux. Allez toujours dans son sens. Ainsi, il n'aura jamais rien à vous reprocher, lui. De toute façon, que peut-on reprocher à une femme ? Do you remember things we've done together ?